mal, applaudit très fort. Les chansons que Papa Wemba vient de chanter sont des créations de son grand frère qui est à côté de lui.